Vis-moi la joie que je m'entraîne, vis-moi la rue que je traîne, vis-moi l'amour que j'apprenne, vis-moi le feu que je freine, file-moi la tempête, file-moi la brise.